Maman continue de me donner la béquée. Attraper des vers, ça m'a l'air compliqué. Et saigner douiller, maman, je sais pas bien voler. Je me méfie des éperviers. Je suis petit, protège-moi sous ton aile. Et le monde me semble grand, froid et cruel. Sans te parler des hommes qui me glacent le sang. Je ne suis qu'un môme, protège-moi maman. Ne sois pas bête fils, et ouvre grand tes ailes. Envole-toi vers le sud et les oiselles. Ne sois pas inquiété par les hommes et leurs coups. Le ciel sera ton garde-fou. Plane vers l'horizon et rejoins-y tes frères. Et rencontre le monde, remplis tes poumons d'air. Et surtout n'aie jamais peur de la liberté. Vole pour ceux qui sont enfermés.